rédempteur, mon rocher, mon gardien. Oh, quel puissant soutien, et ce bras de ta grâce où mon cœur se repose. Jésus. Christ a versé sur la croix, le sang de bouc n'y pouvait pas me racheter, libérer le péché qui m'accable. Et devant ton éternité, tout mon passé coupable, je le sais pardonné. Acquitté, rendu non coupable, par la justice céleste qui m'a justifié, je suis délivré. Jésus s'est livré en offrant. Oh Jésus, ta croix est mon salut qui efface. Oui, par ton sang, j'échante. Oh, oui, auprès de ta croix, de ton amour divin et de ta grâce infinie. sur la montagne.